Eh bien bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Instant Éco, le rendez-vous économique sur Radio Fadjet dont l'ambition est de vous faire aimer l'économie en parlant essentiellement de l'économie locale. Lors de chaque émission, nous aborderons une thématique spécifique, aujourd'hui la rénovation de nos logements, avec de nombreux conseils pour rénover votre logement avec notre invité Erwan Collin qui est syndic en copropriété. Alors bienvenue pour cette nouvelle émission de l'Instant Éco. Alors, logement BBC, RT, réglementation thermique 2012, rénovation énergétique 2020, DPE, prime rénov', bref, il n'existe pas une semaine sans que ces termes, ces sigles concernant les logements ne soient employés dans la presse ou la télévision. Alors aujourd'hui, nous allons aborder donc le thème de la rénovation des logements pour justement donc vous conseiller. Et j'ai le plaisir donc d'accueillir donc Colin Erwan qui a créé donc un cabinet de syndic en région parisienne, Itimo, et qui est très au fait justement des dispositifs de rénovation de logement, puisque l'une de ses missions est justement un devoir de conseil aux copropriétaires qui lui ont fait confiance ou aux propriétaires bailleurs qui lui ont confié leur logement à gérer. Eh bien, bonjour Monsieur Collin. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, rentrons donc tout de suite dans le vif du sujet. Donc, Monsieur Collin, vous dirigez actuellement un syndic de copropriété sur Paris Itimo. Sur Paris, donc il s'appelle Itimo, c'est ça ? Tout à fait. Hein ? Et en quelques mots, pouvez-vous nous décrire votre parcours professionnel ? Oui, alors Itimo, on l'a créé il y a un peu plus d'un an. Avant, j'avais démarré l'immobilier, je dirais ça remonte à très longtemps, même si je suis encore très jeune. Je lisais en fait les magazines Logique Imo qu'on prenait devant les boulangeries. Ah oui, c'est un autre monde là. Là, donc, il y a encore quelques années. Donc j'ai véritablement démarré l'immobilier par un BTS professionnel immobilière au lycée Georges de la Tour à Nancy. Puis j'ai poursuivi en licence, master à Paris, à l'école supérieure de l'immobilier, où j'ai terminé par un master en droit spécialisé, droit immobilier. J'ai débuté ma carrière chez Gexpertise, c'est un cabinet de géomètres experts. On est un peu loin de l'image qu'on en a, c'est un cabinet de plus de 200 personnes qui avait un service division complexe, copropriété, et c'est là où j'ai commencé donc, mon activité de juriste à rédiger des actes. Immobilier. Puis après, je suis sorti de cette partie un peu moins juridique pour moi. Je cherchais aussi autre chose. C'était intégrer une foncière privée. Alors une foncière, qu'est-ce que c'est ? C'est une société qui détient ses propres immeubles et qui les gère, qui achète, qui vend des actifs résidentiels, donc de l'habitation comme du tertiaire, bureaux. J'ai eu une profonde envie d'entreprendre et j'ai créé Itimo il y a un an à Paris, où on gère principalement des immeubles en copropriété, bureaux et résidentiels. Et je crois que vous avez même créé une structure en Afrique. Oui, tout à fait. Alors, je l'ai même créé avant Itimo. Je l'ai créé il y a quelques années. Ça me tenait beaucoup à cœur. D'ailleurs, mon stage de BTS professionnel immobilier, je l'avais réalisé à Bamako, au Mali. C'est quelques années après que j'ai créé une activité sur place et à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Donc, les deux structures sont sur l'Afrique de l'Ouest. Et vous vous déplacez régulièrement là-bas en Afrique pour suivre un petit peu l'activité ? Oui, alors le contexte n'aide pas. Globalement, j'étais effectivement à un déplacement par trimestre. Maintenant, on utilise, je dirais comme ici, les réseaux sociaux, applications WhatsApp et autres pour communiquer, faire de la visio. On le faisait d'ailleurs même avant la crise sanitaire et finalement, ça n'a qu'accentuer notre organisation que nous avions. Très bien, un beau parcours donc professionnel. Alors notre problématique porte ce mois-ci sur la rénovation des logements en France. Alors pouvez-vous nous donner dans un premier temps quelques chiffres sur le parc de logements, le nombre de logements, le nombre de maisons individuelles par rapport au logement collectif, l'ancienneté du parc ? Oui, l'ancienneté, vous faites bien de le dire, c'est vrai qu'on a un parc assez vieillissant en France. On compte globalement environ 37 millions de logements sur la France. 82% des logements sont des résidences principales et 55% sont ce qu'on appelle du logement individuel. Donc, il y a une part de ménage propriétaire qui est assez stable, environ 58%. Donc, on reste globalement sur une France de propriétaires comme on l'évoquait ces 10-15 dernières années. Pour ma partie à moi, la copropriété, c'est un peu moins de 10 millions de logements, dont 47% sont occupés par leurs propriétaires. ce qui est un chiffre relativement important, notamment pour nous dans la gestion, 30% par des locataires, et je dirais que le reste est plutôt titre de résidence principale, donc 13 à 15%. Sur ces chiffres-là de copropriété, on a un peu plus de 80% de copropriété gérée par un syndic professionnel, puisque les copropriétaires ont le choix du syndic professionnel ou bénévole. Donc 4 cinquièmes aujourd'hui sont gérés par des professionnels. On parlait d'ancienneté du parc vieillissant. Il faut effectivement savoir que globalement, on a 50% du parc immobilier qui est antérieur à 1974. Alors, l'année 1974, alors vous parlez de cette année-là, ce n'est pas un hasard, parce qu'il me semblerait que la première réglementation thermique, parce qu'actuellement, on est donc dans la réglementation thermique 2012, au 1er janvier, donc depuis le 1er janvier, hein, on est dans la réglementation environnementale 2020, hein, mais la première réglementation thermique, elle remonte à 1974, je crois. Tout à fait, 1974, tout juste après le premier choc pétrolier. Donc, à cette période, on était, je dirais, dans un constat, une volonté de diminuer la facture énergétique. Donc, on a appliqué cette loi aux immeubles d'habitation neufs. Il faut noter qu'à cette période, comme je le disais, le parc immobilier ancien n'a pas été impacté par cette loi. Et d'ailleurs, il a fallu attendre très longtemps. Donc, on sortait d'une période de 30 glorieuses où on a construit massivement. L'objectif était de créer du logement sans que la priorité des enjeux climatiques et des consommations et de la gestion des charges soit une priorité à cette époque. Donc plus de 50% du logement donc construit avant la première réglementation thermique, donc un parc de logements important à rénover, hein, un marché donc important. Alors, on reviendra tout à l'heure sur les acteurs justement du marché de la rénovation, mais alors comment savoir si son logement justement consomme beaucoup d'énergie? Alors, il existe un diagnostic qu'on appelle le DPE, le diagnostic de performance énergétique. Alors, pouvez-vous nous en dire un petit peu plus aujourd'hui? Bien sûr. Alors, il faut savoir que le DPE, pendant longtemps, a été vu comme un diagnostic, je dirais d'ailleurs, très peu contraignant. Et alors qu'aujourd'hui, on constate de plus en plus, c'est même un outil de gestion patrimoniale. Il s'inscrit de plus en plus. Alors, il est principalement destiné à estimer les consommations d'énergie, puisqu'on le fait aussi bien sur de la facture comme de l'hypothétique occupation des lieux, puisque le logement a pu être vide pendant un moment. Il est réalisé par un professionnel qui est certifié et qu'il faut remettre en cas de location ou de vente. Donc on mesure effectivement la consommation d'énergie et le taux d'émission de gaz à effet de serre. Tous les logements sont concernés. Il y a une seule petite exception de ceux qui sont occupés de moins de 4 mois par an, mais tous les logements globalement sont concernés par le DPE. Alors en quelques mots, sans se perdre dans toutes les informations, mais on recense principalement les caractéristiques du logement, ses équipements, chauffage, la production d'eau chaude sanitaire, la ventilation du logement. On en parle très peu, mais c'est un élément extrêmement important. Il a dit aussi la quantité annuelle d'énergie consommée par le logement ou estimée. Encore une fois, parfois on n'a pas les factures en possession et on évalue les dépenses annuelles ainsi que la quantité d'émissions de gaz à effet de serre, ce qu'on appelle les GES. C'est ce qui va permettre en fait de classer le logement en fonction d'une échelle de référence. Ce qu'on retrouve pour même d'autres types de biens, c'est l'étiquette énergie, l'étiquette énergétique qu'on retrouve même aujourd'hui lorsqu'on achète un bien d'électroménager. Avec combien de classes, donc, ici, pour le logement? De A à G, en fait. De A à G. Donc, plus on est proche de A, mieux nous sommes notés. Plus on est proche de G, voire en G, donc on commence à F, G, voire E, à ce qu'on appelle les passoires thermiques et énergétiques, et qui, d'ailleurs, regroupent quand même un peu moins de 4 millions de logements du parc immobilier français dans cette catégorie. Alors, le DPE, il me semble-t-il, il y a quelques mois, il y a eu quelques soucis, parce qu'il a été réformé au mois de juillet, donc 2021. Il y a eu quelques soucis au niveau de sa performance, à la mesure de sa performance, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. On en a même, en fait, annulé. Pendant un moment, on s'est retrouvé même sans DPE valable sur les biens. Alors, il faut savoir que donc, les diagnostiqueurs immobiliers font ces DPE. Ils avaient eu un logiciel, je dirais, qui rentrait les normes et les nouvelles contraintes du législateur, peut-être très sévère. Donc, beaucoup de biens se sont vus requalifiés sur des lettres supérieures, donc se rapprochant du G. Et aujourd'hui, ça y est, on est sur, je dirais, un outil qui fonctionne très bien et qui renote en fonction du bon cahier des charges, on va dire. Mmh. Alors, le gouvernement a pris conscience de cette nécessité hein, de rénover tout d'abord donc, pour les propriétaires hein, qui louent leur logement afin de ne pas pénaliser donc, les locataires. Alors, avez-vous des inquiétudes justement de l'impact de la loi climat hein, qui a été votée l'an passé et qui prévoit de sortir donc, du parc locatif des logements classés justement E, F et G progressivement d'ici 2034? Oui, 2034, et effectivement, voire même des dates antérieures pour les E et F. Alors non, je ne suis pas profondément inquiet, même si comme on l'évoquait préalablement, il y a un peu moins de 5 millions de logements, 4,8, qui sont dits des passoires thermiques, dont un peu moins de 2 millions dans le parc privé. Mais je suis plutôt confiant en nos capacités d'adaptation face à ces problématiques, je dirais, climatiques. Il faut regarder de manière globale et pas uniquement sur un territoire, puisqu'aujourd'hui, on ne maîtrise pas et on subit, je dirais, aussi des règlements qui ne viennent pas d'un territoire particulier. Je pense qu'à l'échelle de notre pays, le projet du gouvernement de mettre en place ces aides, qu'on détaillera ensemble un peu après, elles remplissent les conditions pour permettre la réduction drastique des déperditions énergétiques des logements. Mais c'est un véritable enjeu quand on sait qu'aujourd'hui, effectivement, dans ce qu'on compte comme bien ou activité polluante, si je puis dire, le logement est quand même relativement mal classé. Notre parc immobilier, encore une fois, très ancien, contribue à cette facture énergétique globalement assez conséquente. Je crois que le but du gouvernement, c'est de créer un électrochoc peut-être vis-à-vis de certains propriétaires pour justement hein, donc les inciter à rénover rapidement leur logement. Oui, et il y en a besoin. Mmh. Parce qu'en fait, on a mal ciblé aussi pendant longtemps le profil de l'investisseur. Pendant longtemps, on a vu l'investisseur comme étant quelqu'un qui avait beaucoup de biens immobiliers. Mmh. Ben, pas nécessairement. Mmh. C'est des personnes comme vous et moi qui travaillons, qui avons la possibilité de faire, admettons, un investissement, mais on n'est pas au fait et on n'a pas nécessairement les conseils de professionnels pour analyser l'investissement dans sa globalité. Très souvent, on s'arrête sur le caractère financier rendement du bien, ce qui est déjà un facteur très important, mais l'étiquette énergétique, l'impact de notre investissement, très souvent n'est pas mesuré. D'ailleurs, on le voit avec les nouvelles générations, c'est je veux faire un investissement, mais dans quoi j'investis mon argent et je veux que l'investissement ait un sens. Donc c'est ce qu'on essaye aujourd'hui de donner avec le logement quand on a un discours auprès d'investisseurs. C'est du rendement, mais c'est déjà pourquoi vous faites cet investissement. Et intégrer la part environnementale, parce que l'immobilier reste du long terme, et l'empreinte écologique est de long terme également. Je trouve que c'est assez cohérent de lier les deux, et au contraire, c'est pas antinomique. On reste sur du long terme, c'est du durable, donc intégrons-le dès maintenant dans la réflexion des investisseurs et des propriétaires occupants. Très bien. Alors, on va justement revenir dans quelques instants donc, sur les principales aides dont peuvent bénéficier justement les ménages qui veulent rénover leur logement, soit des propriétaires accédants, hein, soit des propriétaires bailleurs. Mais on va passer à la première pause musicale, l'occasion de découvrir les coups de cœur musicaux de notre invité. Alors, justement, M. Collin, quel a été votre premier coup de cœur? Alors, mon premier coup de cœur, c'est Armstrong, What a Wonderful Day. C'est une chanson que j'apprécie particulièrement, c'est une musique, déjà j'apprécie beaucoup l'artiste, son style, son courage aussi, et voilà, bon, c'est des musiques des fois que j'écoute, des journées de travail, mais encore au bureau, et ça donne un peu de force de poursuivre. Eh bien écoutons tout de suite votre premier coup de cœur musical. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. the colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Voilà, c'était Louis Armstrong, What a Wonderful World, le premier coup de cœur de notre invité, Erwan Collin. Alors, vous êtes bien sur Radio Fadjet, donc c'est l'Instant Écho, et nous accueillons donc pour cette nouvelle émission de l'Instant Écho, donc Erwan Collin, donc qui est syndic pour parler justement rénovation des logements. Alors, avant la pause musicale, on a pris conscience de la nécessité de rénover bon nombre de logements dont le diagnostic de performance énergétique est classé entre E et G, en lien donc avec un parc de logements qui est très ancien en France. Alors, pour inciter les ménages à rénover, le gouvernement a lancé toute une batterie d'outils. Alors, monsieur Collin, est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns. Oui, alors je peux en citer plusieurs, je pourrais presque tous vous les citer, mais pour les principaux, je dirais ceux qui ont un impact assez fort et qu'on peut retrouver. D'ailleurs, je donnerai un lien assez intéressant qui permet de regrouper un peu tout et d'aider le aussi bien l'investisseur que le propriétaire occupant. On peut citer par exemple MaPrimeRénov. Je pourrais vous en parler un peu après. Toujours l'éco-prêt à taux zéro, PTZ. L'ANA contribue aussi en termes d'aide, comme les collectivités locales. Alors, vous dites l'ANA, c'est-à-dire C'est l'Agence nationale de l'habitat, pardon. D'accord, ouais, l'Agence nationale. Les aides de collectivités locales et des caisses de retraite qui contribuent. Les entreprises. Les entreprises octroient aussi des aides, des subventions, des prêts à taux réduit. Et citer aussi la loi de Normandie pour les propriétaires. Mmh. Et donc, tous ces aides sont répertoriées sur un site gouvernemental ? Oui, tout à fait. Alors, on peut se rendre sur le lien, c'est www.faire.gouv.fr. C'est, je dirais, un peu une plateforme qui permet d'orienter le propriétaire, le copropriétaire aussi, puisque les copropriétés sont aussi concernées. Dans le cadre de ces dispositifs. Alors, parmi tous les outils que vous venez de citer, je voudrais revenir sur un outil qui a vraiment un grand succès. Je crois que c'est depuis longtemps l'outil qui a connu le plus grand succès, c'est MaPrimeRénov. Alors, comment fonctionne ce dispositif ? Ouais. Alors, MaPrimeRénov, il a été mis en place le 1er janvier 2020, qui à l'origine était destiné aux ménages les plus modestes, mais qui a été élargi, et même élargi aux copropriétés depuis le 1er janvier 2021. Donc, concernés donc les copropriétés, les propriétaires occupants et propriétaires bailleurs, ceux qui louent, peuvent aussi en bénéficier. Un lien également, www.maprimerénov.gouv.fr pour les demandes en ligne. Donc ce sont des subventions pour les travaux d'économie d'énergie, du type isolation par l'extérieur, toiture, comble, plancher, remplacement des chaudières, pour une chaudière donc plus performante et moins polluante, voire même l'installation d'une VMC double flux. On parlait de ventilation ensemble tout à l'heure, c'est un sujet extrêmement important. Alors pour les copropriétés, c'est aussi mon domaine, on peut monter jusqu'à 25% du montant des travaux, donc ce qui représente globalement des aides même de 3750 euros par logement, voire même des bonus de 500 euros en fonction de l'étiquette. Qu'on soit en F, en G, on peut monter sur des bonus supplémentaires. Pour les impayés aussi de charges supérieures à 8%, on peut bénéficier de 3000 euros supplémentaires. Alors 8%, en sachant qu'on peut monter, je dirais, jusqu'à... On est en impayé entre 8 et 20%, ça reste acceptable. Donc 3000 euros, on peut bénéficier d'aides supplémentaires. Alors, à préciser quand même que si l'immeuble est situé, lui, en ce qu'on appelle en zone, en quartier en difficulté, il n'y a pas de question d'ordre d'impayé de charges. Alors, l'outil est intéressant parce que je crois que tout propriétaire peut en bénéficier, quelles que soient ses conditions de ressources. Simplement, il y a le montant de l'aide qui va, je crois, varier. Oui, effectivement, ça reste encore un critère, mais au départ, il était complètement fermé, en fait. Mmh. Il était uniquement réservé aux foyers les plus modestes. Voilà, donc c'est un outil intéressant, contrairement à d'autres dispositifs où il y a des plafonds de ressources à respecter. Alors, parfois, il y a des plafonds de ressources. On peut citer aussi les aides de l'ANA. Hein. Mmh. Et en fait, ces aides, effectivement, sont... Alors, sont pas nécessairement... Elles sont plafonnées, bien entendu, mais c'est surtout qu'elles demandent d'autres conditions, comme par exemple des prix de location au mètre carré, si je peux utiliser le terme, encadré, donc des plafonds à ne pas dépasser pour bénéficier de ces aides. Alors donc, pour bénéficier de toutes ces aides, il est donc impossible d'effectuer ces travaux seul. Hein. Oui. Il faut avoir recours, je crois, à des professionnels qui doivent avoir la qualification RGE. C'est oui, ça tout à fait. RGE, donc, qui signifie reconnu garant de l'environnement. Alors, comment on sait si un entrepreneur a cette certification? On peut retourner sur le même lien donné, www.fer.gouv.fr. Il recense en fait ces professionnels qui ont cette qualification RGE. Mmh. Et alors justement, depuis quelques années, de nombreux acteurs se prolifèrent sur ce marché de la rénovation. On va en parler justement tout de suite dans quelques instants après votre deuxième coup de cœur musical qui porte sur une autre artiste là. Oui, une autre artiste, Nina Simone, Feeling Good, une artiste aussi que j'apprécie beaucoup pour les valeurs qu'elle portait, pour aussi toutes ses compétences, pianiste, chanteuse. C'est un autre esprit que Armstrong, mais voilà, elle fait partie aussi des musiques qu'on écoute après pas forcément des longues journées, mais en tout cas, ça donne beaucoup d'énergie aussi. Voilà, elle nous donne la bonne humeur. Donc, on retrouve tout de suite Nina Simone. Flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. New life for me. Ooh, ooh, ooh, ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on. It's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Stars when you shine, you know how I feel. Scent of the pine. It's a new day, it's a new life for me. Voilà, c'était Nina Simone, Feeling Good, qui était le deuxième coup de cœur de notre invité, Erwan Collin. Alors avant la deuxième pause musicale, on a évoqué les différents outils, hein, donc les différents instruments auxquels on peut bénéficier pour rénover son logement. On a oublié de parler des certificats d'économie d'énergie. En quelques mots, donc, parce que les ménages peuvent en bénéficier. Oui, alors les CE, ce sont donc les certificats d'économie d'énergie, ce sont des entreprises dites polluantes qui mandatent des entreprises pour aller chercher des certificats d'économie d'énergie auprès des propriétaires, des copropriétés. C'est-à-dire qu'en contrepartie de la réalisation de certains travaux d'économie d'énergie, vous justifiez d'un certificat et cela, les entreprises dites polluantes sont prêtes à vous les racheter. C'est ça. Et donc, ils les rachètent, alors, soit en versant des sommes d'argent, soit des bons d'achat. Hein, je crois que, tout à fait. La grande distribution, par exemple, qui commercialise du carburant, est obligée, effectivement, d'acheter ces certificats d'énergie auprès des particuliers. Donc, il ne faut pas qu'ils hésitent, hein, les particuliers, à aller sur Internet, faire des petites recherches pour savoir qui est prêt à racheter des certificats d'énergie qu'ils vont obtenir après la rénovation de leur logement. Oui, tout à fait. Oui. Et notamment, ça permet, voire même certains devis, une prise en charge allant jusqu'à certains, même à 100% sur un certain type de poste de dépense. On peut citer par exemple un changement de flocage, une isolation de conduit de chauffage sur un chauffage collectif en copropriété. Voilà, et donc Monsieur Collin, donc c'est pas évident en fait de sélectionner des artisans, hein, pour réaliser un bouquet de travaux, de logement quand on n'est pas du métier. Hein. Alors que pensez-vous du recours à des courtiers en travaux? Alors ben, vous le disiez, choisir des entreprises en tant que particulier, même syndic, c'est jamais simple. Parce qu'à chaque typologie de travaux et taille de chantier, on ne peut pas s'adresser aux mêmes entreprises. On peut avoir de très bons plombiers sur du logement individuel, mais sur de l'immeuble, beaucoup plus de difficultés. Donc vous parlez de la profession de courtier. Elle se développe dans de nombreux secteurs. Alors moi, j'y vois principalement derrière une profession de conseil qui rencontre ses clients, cible ses besoins en définissant un cahier des charges et qui part chercher des entreprises qualifiées pour y répondre. Elle ne remplace pas l'architecte, elle ne remplace pas le bureau d'études, mais elle s'inscrit dans un vide, je dirais actuellement, de conseil et de proximité entre le syndic même et ses copropriétaires ou le propriétaire et les artisans. Bon, le temps passe très très vite. Alors, j'ai une dernière question à vous poser. Hein. Donc, est-ce que vous avez d'autres conseils à délivrer à nos auditeurs concernant un petit peu la rénovation des logements? Je dirais, c'est de l'intégrer pour ceux qui sont dans un projet même d'acquisition, c'est d'intégrer cette partie environnementale dans leur investissement, parce qu'ils vont investir sur du très long terme. Et pour ceux qui sont déjà propriétaires, qui n'ont pas encore engagé ces travaux, bah, c'est quand même de bien analyser les besoins du bien dans son environnement, en fonction du climat aussi, du contexte, parce qu'il ne faut pas partir vers une aide pour en bénéficier, mais qui ne répondrait pas clairement aux besoins de l'immeuble. Donc je pense qu'il faut penser immobilier, donc long terme. Très bien, Monsieur Collin, donc merci pour tous ces conseils, en sachant que effectivement, c'est un investissement à long terme. Votre logement donc, va prendre de la valeur, ce qu'on appelle la valeur verte en transaction immobilière. C'est ça. Parfait. Voilà, ainsi s'achève cette émission de l'Instant Éco. Merci, Monsieur Collin, d'avoir accepté mon invitation. Merci pour votre invitation. J'espère que pour les auditeurs maintenant, ils auront pu voir une vision globale de la rénovation du logement. N'hésitez pas à faire vos commentaires sur la page Facebook de Radio Fadjet et nous faire des suggestions sur des thèmes que vous souhaitez venir voir aborder dans cette émission. Merci à Mathéo d'avoir géré la partie technique de l'émission. On se retrouve donc le mois prochain, toujours fidèle à Radio Fadjet.